triste, rappelles-tu de ces jardins ombragés? Quand j'en avais le temps, je venais te chercher. Tous ces moments passés à te regarder danser. Quand dix où sont passées nos plus belles années? Quand dix je te revois, 10 ans se sont écoulés. Nous n'avions que 15 ans et nous voulions nous marier. Dans cette petite église où tu venais me trouver, nous rêvions tous les deux de projets insensés. Quand dix, nous ne sommes plus des enfants. Quand dix, tu es une maman. Quand dix, nous ne sommes. Candice, te rappelles-tu de cette gare sinistrée? Au lieu de rendez-vous pour amour prématuré, nous jouions tous les deux au jeu de la fierté. Lequel d'entre nous deux l'aurait aujourd'hui gagné? Rappelles-tu de ces années de lycée? Quand je te retrouvais en cachette pour t'embrasser. Notre amour était fort même s'il restait caché. N'avions-nous pas le droit à cet âge de nous aimer? Candice, nous ne sommes plus des enfants. Candice, tu es. Candice, cette aventure était bien plus compliquée. Une simple différence d'originalité. N'étions-nous pas conscients des problèmes posés? L'amour était plus fort que leur drôle d'idée. Candice, ces souvenirs doivent-ils toujours exister? Vis-tu avec chaque jour ou les as-tu oubliés? Ils me reviennent parfois un peu plus familiers. Candice, nous ne sommes plus des enfants. Candice, nous sommes devenus grands. Candice, où est passée?